J'ai vu la poussière tomber des cieux et la méchanceté des hommes brûler les yeux. J'ai senti la terre trembler, devenue froide, et les hommes agir comme un roman de Stade. Sous les lunes de Mars, ils sont sortis de terre, ils ont violé le monde et cassé mes frères. Ils ont brûlé l'écorce des arbres millénaires, ils ont trouvé la force qu'il fallait pour nous taire. Et dans ce rêve atroce au milieu des charniers, un paradise lost, on de quoi rêver. Une guillard de la pluie, la chaleur de l'entraille, un bel riz contre la vie dans une rue d'Halifax. Juste des mains parmi d'autres qui étouffent le mal. Le 14e apôtre, celui qui sauve le bal, celui qui va dans la foule comme un antidote, un iceberg qui coule, un bouquin avec un E. Dans les ailes comme du pain dans le sang, elle a les yeux qui brûlent les horizons du monde, elle a dans les cellules un océan qui gronde, dans des promesses qu'elle fait aux quatre vents, qu'à notre joie m'éteigne quand nous péquistons. Elle est un cheval qui traîne les larmes de l'hiver, comme la suite du diable vers une rue d'hiver. Je l'ai vu bien soulever les fées dans la forêt, je les disais à tout le monde à tes souhaits, et autant des silences pour que je fais Théodore, un one night of nonsense, vivre un peu plus fort. Je l'ai vu dans la nuit, partir sur l'Atlantique, puis aimer sans un bruit. Dans la nuit, partir sur l'Atlantique, graver dans ma vie, vivre Brooke avec un E. Un Brooke avec un E. Un Brooke avec un E.